Bien-aimés, il est vrai que nous avons laissé les problèmes ou les soucis dans nos maisons. Mais en ce moment, j'aimerais te recommander, te demander de disposer de ta présence. Oublie ce que tu as laissé à la maison. Concentre-toi sur Dieu et tu verras qu'il va donner la solution à tous les problèmes que nous avons laissés à la maison. Nous sommes là pour lui et rien que lui. Nous sommes là pour Dieu. Oublions d'abord le monde. Oublions d'abord ce que nous avons comme stress. Oublions ce que nous avons comme problème. Oublions un peu. Concentrons-nous sur Dieu et nous verrons qu'il va donner des solutions à ce que nous avons comme souci. Quand nous sommes disposés à l'élever, nous sommes disposés à l'adorer, il trouve des solutions à nos problèmes. Seigneur, laisse ton ciel ouvert ce matin. Nous sommes là pour toi. Que le ciel soit ouvert sur ma vie. Que le ciel soit ouvert. Que les malades trouvent la guérison. Que les malades trouvent la guérison ce matin. Que ceux qui sont liés trouvent la délivrance ce matin. Dieu reste le même. Il dépend de la disposition de notre cœur. Nous disions, Fongola Lola, ouvre les écluses des cieux. Laisse ton ciel ouvert, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour te bénir. Nous sommes là pour t'adorer. Nos cœurs se tournent vers toi ce matin. Nos cœurs sont connectés au trône. Fongola Lola. Blue. Ce matin, Seigneur, nous élevons le nom qui est au-dessus de tous les noms. On peut célébrer ce grand nom. Est-ce qu'on peut bien célébrer le nom de Dieu, le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom devant qui tout genou fléchit, le nom devant lequel toute langue confesse, le nom qui a créé toutes choses. Le nom qui a été là avant le commencement, le nom qui a créé toutes choses par sa parole. Il a dit que la terre soit et la terre fut créée. C'est par sa parole, c'est par sa parole que vous et moi, nous sommes là ce matin. C'est par ce grand nom que nous pouvons élever. C'est par ce grand nom que nous sommes appelés. Alléluia. David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. Je ne sais pas si c'est le cas pour nous aussi ce matin. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que nous pouvons manifester cette joie-là ce matin? Il est vrai qu'il fait un peu froid. Alors, nous allons nous tenir un peu debout. C'est un petit mouvement que nous allons faire. Et nous allons une fois de plus célébrer le nom de Dieu. Célébrer le nom de Dieu. Célébrons le nom de Dieu. Célébrer le nom de Dieu. Célébrons le nom de Dieu. Célébrons le nom de Dieu. Le nom glorieux. Le nom glorieux. Alléluia. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire les psaumes 150. Quelqu'un prend sa Bible, nous lisons les 6 chapitres du psaume 150. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Apa banatuambia wote ule ko na pumzi amusifu Bwana. Alléluia. Je bote tuko hapa tuko na pumzi. Bible natuambia tumusifu na binanda, tumusifu na ma cymbal sonore, tumusifu na ma synthétiseur, tumusifu na filimbi. Est-ce que kuko mtu analeta ko filimbi yake avant ba instrumentiste baanze kupika binanda? Na shie tumuselebre Mungu na filimbi, na bikelekele, na mashangwe, na masifa, na madanse. Alléluia. Nous louons Dieu pour ses hauts faits. Nous le louons pour l'immensité de sa grandeur. Mishi Dieu ni bukubwa kanibolo nesa kumukaburia Mungu, ni bunene kanusha kumukaburia Mungu. Alors ce matin, par rapport ya vile wewe unamwona Mungu, umukaburie fasi yake ya louange. Pendant ce temps, la chorale nous donne un cantique de louange. Nous louons ensemble avec l'assemblée. Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, b

Jésus. Que Dieu vous bénisse. Grande chorale. J'ai beaucoup aimé Bibomba Bomba. Pendant ce temps, nous invitons les canaux vocaux pour louer aussi l'Éternel. Come on. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Amen. Amen. Asema bila Yesu atutaweza. Meshie na weye tutaweza. Alléluia. Bien aimé, bana mwasosie Mungu mu kazi yabo. Le Dieu éternel. Le Dieu présent en tout le temps et partout. Alléluia. Amen, amen. Ni huyu Mungu éternel wa milele. Joule tukona adoré. Joule bakano vocal banachezea. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et adorer ce grand roi, le Dieu omniscient, le Dieu qui connaît toutes choses, passé, présent et futur, le Dieu omnipotent, le Dieu capable de tout faire, sans aucune limite. Le Dieu omnipotent n'a pas de limite. Les limites sont dans nos pensées. Mais lui n'a pas de limites. Il est éternel. Il est hors du temps. Pendant que nous nous regardons le temps pour venir à l'église, lui n'est pas dans le temps. Il est hors du temps. C'est le Dieu éternel que nous devons adorer. Bien-aimé, prends la bonne position et adore ce grand roi. Prends la position de ton cœur. L'adoration ne suffit pas de dire seulement que Dieu, je t'adore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut adorer son Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut reconnaître les bontés de Dieu dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut relever sa voix et commencer à dire le Père, gloire à Dieu, ton appel le Créateur, c'est lui qu'on appelle le roi de gloire, c'est lui qu'on appelle le rocher, c'est lui qu'on appelle le Père. Commence à prier, seulement avec les instruments. Commence à prier le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Le Dieu que tu pries, il t'écoute. Le Dieu que tu cherches, il te connaît. Le Dieu en qui tu as cru, il est fidèle. Les hommes peuvent être infidèles. Alléluia. Dieu demeure fidèle. Le Dieu devant qui tu cries, Il entend. Quand tu pleures, il voit tes larmes. Et il vient essuyer tes larmes. Oui, élève ta voix, commence à prier. Qu'est-ce que tu peux lui dire ce matin? Qu'est-ce que tu peux lui dire ce matin? Continue à prier, bien-aimé. Continue à prier. Tu as des paroles à dire à Dieu ce matin. Tu as des paroles à proclamer ce matin. Il est merveilleux. Akika ni mwema. Je comprends pourquoi on lui dit Yahweh Yozali Bolingo. Alléluia. Alléluia. Bolamu moyo Lumela seko Yahweh ontima isolo. Soya kitina yo, soya kitina yo, tu yeko ni waka. Oh, il est merveilleux. Son amour est grand, bien aimé. Acclamer très fort pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se lever? On peut se lever. On se lève et on acclame pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, ma prière ce matin. Quand j'avais froid, je sais pas, 2 heures du matin, j'ai dit, Seigneur, que chacun qui se lie libéré de ses fardeaux. Alléluia. Amen. Il a fait froid la nuit. Est-ce qu'on peut nous chanter Pépélé? Est-ce qu'on peut nous chanter ça? Pépélé, Pépélé. Qui chante ça? Ok, débrouillez-vous. Adèle est où? C'est qui chante? Ok. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique ensemble dans la joie? Avant de prier la parole de Dieu. Yeah. remercie. Tu nous libères de tous nos fardeaux. C'est pourquoi tu nous dis, déchargez-vous sur moi. Nous voici dans ta présence ce matin. Tu es un vrai Dieu. Ce ne sont pas des histoires, Seigneur. Tu es vrai. Tu es vrai, Seigneur. Mon âme te bénit. Les hommes parlent et ils passent. Mais toi, tu es le même. Quand tu parles, tu réagis. On nous a dit que quand l'Éternel qui nous protégea, sans l'Éternel qui nous protégea, les hommes nous auraient engloutis tout vivant. Les eaux, les problèmes nous auraient submergés. Oh, béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. C'est-à-dire que les hommes avaient les dents pour nous broyer. Mais toi, Dieu, tu nous as protégés. C'est pourquoi la Bible dit que notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Oh, merci Jésus. Je bénis ton nom. Je bénis ta présence ce matin. Que tu as accompli de grandes choses pour la vie de chacun de nous. Sois béni, Seigneur. Sois élevé. Sois glorifié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Tu peux saluer celui qui est à côté de toi. Tu lui dis que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Salut celui qui est à côté de toi. Je suppose qu'il y a au moins 4 personnes autour de toi. Gauche, droite, derrière, devant. Salut, dis que Dieu te bénisse. Welcome in the church. Welcome. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, c'est bien, j'aime les hommes adultes qui continuent à se saluer. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Juges chapitre 6, verset 14. Nous parlerons encore de ce verset. Chaque fois que je lis, il y a toujours des choses. Et je bénis le Seigneur. Je prie vraiment ce matin que vous soyez vraiment attentifs. Vous savez, à un moment donné, Dieu te donne tellement de choses, tu ne sais pas comment les structurer. Et je vous les donne brutes, comme les minéraux bruts. Je prie seulement la technique vraiment de nous accompagner. Il y a des versets que je vais lire, peut-être que je vais citer, peut-être que je ne vais pas lire. Mais j'aimerais que vous puissiez les afficher pour que nous puissions ensemble comprendre beaucoup de choses que Dieu nous dit ce matin. Juges chapitre 6, verset 14. Non, commençons quand même par le verset 12 jusqu'à 14. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Verset 14 qui nous intéresse. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » Verset 16, l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian, comme un seul homme. » Je reprends le verset 15 que vous pouvez souligner dans la Bible. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Alléluia. Seigneur, nous recommandons cette parole entre tes mains. Merci pour ta présence. Tu nous as parlé. Maintenant, fais grâce à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La réponse de Gédéon à l'ange de l'Éternel est très révélatrice. Le verset 12, l'ange dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant et héros. Vaillant héros de Dieu. Le champion de Dieu. Gédéon dit, non, ce n'est pas possible. Est-ce que moi, je suis un vaillant héros? Gédéon se pose des questions. Parce que le vaillant héros, le champion, l'homme fort de Dieu, avait des limites que lui-même connaissait. Dieu lui dit, vaillant héros, héros de ta famille, héros de l'église, héros du pays, héros de la ville, héros, héros quelque part. Mais Gédéon lui dit, non, ce n'est pas vrai. Je me connais moi-même. C'est comme ça qu'il nous dit au verset 15. Je veux qu'on nous mette le verset 15. Vous allez comprendre avec moi. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Ce matin, je voulais parler et je voulais que nous puissions comprendre quelque chose. Il faut briser quatre grandes limitations dans notre vie avant de gagner de victoire. Il y a quatre grandes limitations à briser dans la vie avant de gagner des victoires réelles. Il y a des gens qui sont des héros, qui sont des champions là où ils sont assis. Mais leur vie est très limitée. Au point qu'ils ne peuvent pas entrer dans leur destinée. Au point qu'ils ne peuvent pas vivre des victoires. L'ange dit à Gédéon, vaillant héros. L'Éternel, Gédéon savait. Dieu dit, tu es un vaillant héros. Mais Gédéon lui dit, ce n'est pas vrai. Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ici, nous voyons quatre grandes limitations. La première, il parle de Manassé. Manassé, c'est la tribu. La première limitation qu'il faut briser dans la vie, si vous voulez aller loin avec le Seigneur, si vous voulez gagner des victoires avec Dieu, c'est la tribu Manassé. Deuxième limitation, après la tribu, il parle de la famille. Il y a des limitations liées à nos familles. Suivez-moi bien, aujourd'hui je vais expliquer des choses. Troisième limitation, il parle de la maison de mon père. La maison de mon père. Quatrième grande limitation, il parle de la pauvreté. La pauvreté. Le rang social. Le niveau social. Donc, quatre grandes limitations qu'il faut briser ce matin. Dans la vie. Bien-aimés, je prie que le Seigneur nous aide dans cette église. La première limitation, la tribu. Deuxièmement, la famille. Troisièmement, la maison du Père. Troisièmement, et quatrièmement plutôt, le rang social. Alléluia. Je parle de la tribu. Il parle de la tribu de Manassé. Manassé et Ephraïm sont les deux enfants de Joseph. Et la bénédiction ou la malédiction des 12 enfants de Joseph plus les deux, Ephraïm et Manassé, étaient fixés par les paroles que Jacob ce jour-là avait prononcées sur ses enfants. C'était ses propres enfants qui sont devenus des tribus d'Israël. Mais selon les paroles que Jacob prononçait, il scellait le sort de chaque tribu, de chaque enfant. Donc la réussite ou l'échec était lié aux paroles de Jacob. Ah, je comprends une chose, que la réussite ou l'échec, quand je parle de la tribu qu'il faut briser cette limitation. Il s'agit des paroles qui planent sur nos tribus. Tu n'étais pas là, c'est vrai. Mais quand Jacob a prononcé, il a béni Judas. Il n'a pas béni Ruben. Il a parlé sur Manassé. Il a parlé sur Ephraïm. Il a parlé sur tous ses enfants. Et les choses se sont réalisées telles que le Père avait parlé. Donc les paroles qui sortaient ce jour-là, on ne va pas lire, c'est dans Genèse chapitre 49, fixaient la suite de chaque tribu. Alors, j'ai compris une chose. Parmi les choses que le Seigneur commence à m'enseigner, depuis hier, que sur chaque tribu, il y a des paroles qui scellent le sort. Et aujourd'hui, là, il faut briser ces paroles. Alléluia. Parce qu'il s'agit de Manassé d'Éphraïm. Regardez, dans Genèse 41, verset 50, est-ce que la technique peut aller avec moi? Genèse 41, verset 50. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils. Que lui enfanta Asnath, fille de Potiphar. Non, de Potiphéra plutôt. Prêtre d'homme. Verset 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Manassé, c'était l'aîné. Joseph lui donna le nom de Manassé, qui signifie oubli. Pourquoi? Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Donc pour Joseph, quand il a eu son fils aîné de la fille du prêtre Potiphéra, quand il est arrivé au sommet, il a dit non, Dieu m'a fait oublier mes anciennes souffrances. Dieu m'a fait oublier le passé. Le verset suivant. Et il donna au second le nom d'Éphraïm. Éphraïm signifie fécond, fécondité. Dieu m'a rendu fécond. Regardez bien la logique de Joseph. D'abord, j'oublie tous mes malheurs. Et puis Dieu me rend fécond. Allons maintenant au toujours Genèse chapitre 48. 48, là pour gagner le temps, je regarde ce que j'ai souligné dans ma vie. Genèse 48. Je prends juste quelques versets. Prenez-moi le verset 14. Et puis vous allez me prendre le verset 17. Jusqu'au 18. Non. Commençons par le verset 8. 8, 9, 14, 17 et les suivants. Comme ça, j'explique rapidement. Verset 8. Israël, c'est-à-dire Jacob, regardait les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Verset 9. Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approche de moi pour que je les bénisse. Pour que je prononce des paroles. parole qui donne la vie. Il y a des paroles qui donnent la mort. Donc je comprends que les paroles fixent l'avenir de quelqu'un. Aujourd'hui, il faut prier, il faut faire tomber certaines paroles. Vous avez quelqu'un qui est bien. Mais sur sa vie, il y a des paroles. Je l'ai dit hier quand je parlais avec les pasteurs. Et on en parlera peut-être dans les prochains jours. Le monde spirituel est très organisé. Rien ne se fait au hasard. Il y a des paroles. Verset 17. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Qu'est-ce qui se passe? Joseph prend les deux enfants. Manassé, c'est l'aîné. Il le prend à sa gauche. Éphraïm, c'est le second. Il le prend à sa droite. Il apporte les deux enfants chez son père pour que l'aîné soit à droite et le cadet soit à gauche. Quand il les approche chez Jacob, Jacob, au lieu de poser, parce que Manassé était à gauche, donc à droite de Jacob, Éphraïm était à droite de Joseph, donc à gauche de Jacob. Venez un peu comme ça. Manassé était à gauche. Il le met à droite. Éphraïm était à droite. Il le met à gauche. Comme ça, il est sûr que quand papa va poser les mains, la main droite sera sur Manassé. La main gauche sera sur Éphraïm. Joseph savait que la suite de la vie de mes enfants dépend des paroles que papa va prononcer. Mais quand il arrive devant papa, il est présent comme ça. Et papa, pour prier, pour parler, il fait ça. Il prend sa main droite, il pose sur Éphraïm. Il prend sa main gauche, il met sur l'aîné. Joseph lui dit, non papa, ce n'est pas comme ça. Remets comme ça. Le papa dit, non. Laisse-moi comme ça. Je sais ce que je suis en train de faire. Alléluia. Je sais ce que je suis en train de faire. Je vais y revenir peut-être après. Regardez très bien. Manassé, c'est l'aîné. Son nom signifie oubli. Dieu m'a fait oublier mes souffrances. J'oublie le passé. Et Éphraïm signifie fécond. L'avenir, la fécondité. Pour Joseph, d'abord on oublie le passé, on passe à l'avenir. Pour Dieu, il commence par l'avenir et le passé après. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour le Seigneur? Voici comment l'homme réfléchit. L'homme se base trop sur le passé. Il pense que son avenir, son parcours dépend de son passé. Il y a plusieurs personnes qui sont bloquées aujourd'hui. Oh bien-aimé, plusieurs personnes sont bloquées aujourd'hui parce qu'ils pensent que leur avenir dépend du passé. Beaucoup de gens au travail, dans le ministère, dans le mariage, dans la vie, ils pensent que pour que je réussisse, je dois régler mes passés. Non, bien-aimé, pour réussir, tu ne dois pas régler tes passés. Laisse Dieu s'occuper du passé. Pour réussir, ton avenir est dans les mains de l'Éternel. Alléluia. Jacob, il songe. Il dit, Joseph, ce n'est pas comme toi. Ce n'est pas comme toi. Ce n'est pas qu'il faut commencer avec le passé pour passer à l'avenir. Mais aujourd'hui, moi, Dieu, ce que je te dis, je commencerai avec l'avenir. Dieu commence à bénir ton avenir. Je commence à bénir ta vie. Il prononce des paroles sur ton avenir et à ce moment-là, il rentre dans le passé pour travailler afin que tu atteignes ton avenir. Alors, ce matin, ne sois pas bloqué par des paroles du passé. Ne sois pas bloqué par des problèmes du passé. Oh bien-aimé, la première limitation qu'il faut briser liée à la tribu, c'est le passé et des paroles. Alléluia. Beaucoup de gens, bien-aimé, tous les gens qui ont avancé dans la vie, ils ont compris. Ils sont arrivés à se libérer de la pesanteur du passé. Le passé, c'est une pesanteur. Et je prie le Seigneur ce matin. Au nom de Jésus. Lève ta main là où tu es. Seigneur, je prie ce matin pour tous les enfants de cette église. Là où il y a les passés qui sont devenus des pesanteurs. Ce matin, j'annule, je fais tomber ces passés au nom de Jésus. Ils doivent avancer, ils ne doivent pas traîner le poids du passé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'annule le poids de ton passé. Même les échecs que tu as connus hier, même les déceptions que tu as connues hier, au nom de Jésus, je les annule maintenant. Je prie pour les tribus, sur les différentes tribus en ces lieux. Il y a des paroles qui conduisent les tribus. Ce matin, toutes les mauvaises paroles qui conduisent nos tribus, ça ne nous engage pas parce que nous sommes nés en Jésus-Christ. Et j'annule toutes ces paroles au nom de Jésus. Ta tribu, elle sait qu'elle est. Parce qu'il y a eu des paroles qui ont été prononcées sur ça. Ce matin, déconnecte-toi de ces paroles. Élève ta voix. Prie le Seigneur pendant une minute. Annule toutes les paroles. Annule les paroles. Annule les paroles. Ces paroles ne te concernent pas. Ces paroles ne te concernent pas. Les paroles ne te concernent pas. Les paroles ne te concernent pas. Ce que Jacob a dit sur Manassé, ça ne te concerne pas. Ce que tes grands-parents ont dit sur la tribu, ça ne te concerne pas. Toutes ces paroles, je les annule au nom de Jésus de Nazareth. Amen. C'est une réalité spirituelle qu'il faut connaître. Et dans la tête, ça doit commencer à changer. La deuxième limitation, c'est la famille. Gédéon avait un problème. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, il y a des familles, quand tu es né là-bas, il y a des niveaux que tu ne peux pas atteindre. à cause de toi, mais à cause de la famille. Il faut prendre conscience. Et il faut prier pour ça. Abraham, le père de la foi, sa famille avait des problèmes. Sa famille avait des problèmes avec les aînés. Avec les aînés. Les aînés. Les premiers de la famille. Dans la famille d'Abraham, les aînés avaient des problèmes. Au point où l'héritage n'était pas réservé aux aînés. Alors que la loi disait que c'est l'aîné qui devait être héritier. Mais dans la famille d'Abraham, c'était une autre loi. Suivez-moi bien, il y a des familles où il y a d'autres lois qui s'appliquent et qui plombent la vie de la famille. Abraham a eu Ismaël, mais l'héritage, c'était Isaac. Ce n'était pas l'aîné. Isaac a eu Ésaü et Jacob, mais l'héritage, c'était sur Jacob et non Ésaü. Jacob a eu Ruben et les autres enfants, mais l'héritage, c'était sur Joseph, qui commence à faire des rêves, qui a même dit: je vois la lune est quoi? Et le soleil se prosterner. Je vois les 11 étoiles se prosterner. L'héritage a quitté Ruben et parti chez Joseph. Quelle famille? D'autres lois. Joseph lui-même, on l'a vu, il a eu Manassé et Ephraïm. Comme il y avait une loi dans la famille, l'héritage a quitté Manassé. Jacob a béni Ephraïm. Mais la famille, il y a des lois. Oh, ce matin, nous devons briser les limitations des lois des familles. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles où on ne dépasse pas un âge donné. Il y a des familles où tous les hommes meurent de la même maladie. Toutes les femmes meurent en accouchant dans les mêmes conditions. La famille d'Abraham, Sarah, n'a pas eu d'enfant. Elle a souffert pour avoir les enfants. Agar, au premier coup, elle a eu un bébé. Mais Sarah n'avait pas eu. Isaac, le fils d'Abraham. Rebecca a souffert pour avoir les enfants. Jacob. Rachel a souffert pour avoir des enfants. Donc vous comprenez. Dans les familles, qu'est-ce qui se passe? Il y a un héritage subi. Non, un héritage subi. Et un héritage promis. deux héritages. Un héritage subi et un héritage promis. Beaucoup de gens subissent l'héritage de famille à cause du sang. Mais aujourd'hui, les gens m'ont dit non, vous devez prier contre les quatre grandes limitations. Abraham, la loi des aînés, tous les aînés embrouillés, ça c'est la famille d'Abraham. Les enfants, la stérilité, problème. Oh bien-aimé, pendant que je parle, je sais que le Saint-Esprit est là. Parfois, ce n'est même pas nécessaire de prier, tu crois seulement à la parole. Tu dis dans ton cœur, Seigneur, ça doit. Il y a des familles comme ça. Dans Ruth chapitre 1er, vous allez voir Elimelech. Il épouse Naomi. Elimelech meurt. Naomi veuve. Machlon meurt. La femme veuve. Kiljon meurt. La femme veuve. Et quelle famille Elimelech? Les hommes doivent mourir. Et les femmes doivent rester veuves. Quelle mauvaise loi! Pour que la loi change, il fallait que Ruth rencontre un autre homme qui est capable de changer la loi. Il fallait que Ruth rencontre Boaz. Si tu rencontres Christ ce matin et que tu lui donnes ta vie, lui seul peut changer ces lois-là. Il y a des familles qui sont comme ça. Lève ta main droite. Dis avec moi. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je brise toutes les mauvaises lois dans la famille où je suis. Je brise ces mauvaises lois qui viennent du sang de la famille. Si tu as couffé dans malaria, l'autre ma famille va te couffer en aïe. Bon, quand tu as couffé dans malaria, l'autre ma famille va te couffer en aïe. Bibi, quand tu as malaria, l'autre ma famille va te couffer en aïe. Batoto, quand tu as couffé dans mambo, l'autre ma famille va te Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Prie même pendant une minute. Prie. Prie pour les problèmes de ta famille. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Naomi était privée et de son mari et de ses deux enfants à cause des problèmes de la famille. Je prie ce matin que tu ne sois pas privé. Tu ne sois pas privé. Et de ton mari et de tes enfants. Abraham a souffert pour avoir un enfant. Isaac a souffert pour avoir un enfant. Jacob a souffert pour avoir un enfant. Je prie le Seigneur au nom de Jésus que ces lois-là, que ces lois-là de la famille, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous continuons à enseigner, mais soyons attentifs, ne soyons pas distraits. Sois observateur. Regarde dans votre famille. S'il y a un problème qui est chez l'aîné qui n'a pas de solution, commence à prier pour ça. Aîné homme, aîné femme, fille, hein, femme, fille, comme beaucoup, comme dites. Achizale. Moi, je suis un homme. Moi, je suis Achizale. Moi, je suis un homme. Anaficha. ne prends pas ça au hasard. Ah, il a perdu sa femme, mon frère. Commence à prier. Naomi a négligé. Elimelech est mort. Elle a fait le deuil est terminé. Si c'était à Kinshasa, on vient avec les uniformes. C'est une fête. On enterre. On dit entre ciel et terre, bon, on ne sait pas c'est où. On l'enterre. Il revient. Et puis après, Maslon meurt. Il fait encore la même chose. Non, il y avait des problèmes. C'est comme ça qu'il a dit que je suis dans l'angoisse. On lui a arraché et le mari et tous les deux enfants. Frère, pendant que je parle, observe ta famille. Mais il n'y a rien qui peut nous guérir que la parole de Dieu. Une maladie qui ne se termine pas dans votre famille. Babarwan, il est malade. Muyomba, il est malade. Muyomba de Muyomba, il est malade. Mama, il est malade. Petit soeur, maman, il s'engage. Il est malade. Wakwanza nafika mu 6e manacha masomo. Wapili nafika mu 4e manacha masomo. Donc moi mu famille na moi ko pata diplôme d'état. Pri. Wakwanza mimba. Wapili mimba. Woku wa tatu fi. Pri. Pri. Wakwanza kwa kwake pa kuzala yo yo yo. Wapiri pa kuzala yo yo yo. Prie. Prie. Je sais que c'est dimanche, mais écoutez, Dieu quand il donne sa parole, il veut nous guérir. Alléluia. Prie. Oh, je prie le Seigneur ce matin. Que cette parole change la vie de quelqu'un. Alléluia. Les familles. Abraham. Sarah a souffert. Elle ne croyait même plus qu'elle pouvait avoir des enfants. La seule chance, il fallait que les trois hommes arrivent chez Abraham, parmi lesquels l'Éternel lui-même. Pour débloquer la situation de la famille. Oh, ça, j'aime le Seigneur. Bien-aimés, acclame d'abord pour le Seigneur. Quelle que soit la situation de notre famille, la rencontre avec Dieu débloque les choses. Et je prie le Seigneur ce matin, parce que tu vas rencontrer le Seigneur, je déclare le déblocage des situations de ta famille au nom de Jésus. À mon patin, ce n'est pas grave. Mais ce matin, rencontre quelqu'un. Alléluia. Isaac, la même chose. Rebecca a dit non, je vais consulter Dieu. Oh bien-aimé, c'est alors que la vie de Rebecca a changé. Elle a eu les deux enfants. Mais il y avait une autre loi. L'aîné devait être après le second. Ma loi, ici comme ma famille. Alléluia. Alléluia. C'est nous qu'on a tessu, aïna weye. Esaü, bien-aimé. Esaü avait toutes les compétences plus que Jacob. En fait, c'est le message que je vais donner, mais la nuit, Dieu m'a dit de changer. Le message que je devais donner ce matin, il n'y a rien pour rien. C'était ça le thème que j'avais prévu pour donner ce matin. Mais vers 2h du matin, j'ai dû changer. Mais Dieu m'a dit non, allez briser d'abord ces choses. garde ça pour une autre fois. Ésaü avait toutes les compétences. Il savait manier les armes. Il savait cuisiner. Jacob a Sikujo et Kintu. Il ne sait pas comment faire attraper les gibiers. Il ne sait même pas comment préparer parce que c'est la maman qui a préparé pour lui. Il n'y a pas qu'à courir. Ce n'est pas un problème. Mais comme il a fait une loi, celui qui mérite n'a rien eu. Celui qui ne mérite pas a eu. Quelle loi! Et le père lui dit, mais tu n'as pas traîné? Il dit, non, Dieu a mené les gibiers vers moi, c'est comme ça que je suis venu. Donc, vraiment, Jacob lui-même, la même chose. Il maudit Ruben lui-même. Il maudit Ruben, son fils aîné. Même avant de le maudire, Joseph lui donne un rêve. J'ai rêvé. Lui, le père lui-même interprète. Donc, tu veux dire que ta mère et moi et tes frères, nous viendrons nous prosterner devant toi. Il dit, non, je ne sais pas. Ruben déclassé. Ça va sur Joseph. Mais Joseph lui-même, comme il connaissait quand même, il dit à son père, non, non, non, papa, non. L'aîné, le second. Le papa lui dit, non. Ici, c'est une autre loi. C'est la loi de notre famille. Frère, Katika Jina la Yesu. Il est ma loi, Yamukizazi Kenu. Yangu Keleo. Au nom de Jésus. Alléluia. Troisième limitation. Gédéon lui dit, non, la maison de mon père. La maison de mon père. Ça signifie quoi? Quand nous lisons, nous descendons un peu plus vers le verset 25. Dieu va dire à Gédéon, va détruire l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Donc la maison de notre père, il y a des pratiques mauvaises qui ont été faites ou qui se font dans les maisons. J'ai donc bien dit, c'est la maison de mon père, ce n'est pas ma maison. Donc le chef, c'est mon père. Celui qui fait les pratiques mauvaises, c'est mon père. Ce n'est pas moi. Bandoukou, il y a des gens ici qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont vécu dans les maisons où les parents, les oncles, faisait des mauvaises pratiques. Alléluia. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Ce jour-là, vous avez reçu des visiteurs qui ont dormi dans votre maison. Mais avant de partir, ils ont fait des pratiques mauvaises. Et aujourd'hui, la maison a des problèmes. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Parce que ce jour-là, il y a un hôtel de Baal dans la maison du Père. Ce n'est pas toi qui as bâti l'hôtel. Non, bien-aimé, il y a des enfants qui souffrent aujourd'hui parce que dans les maisons où ils ont vécu, on a fait un Madawa, on a fait un Mikisi, on a fait un Mankamba Mubivuno pour avoir le mariage, pour des promotions. Mais bien, ce sont des hôtels de Baal. Et aujourd'hui, les enfants souffrent. Parce que ce jour-là, les parents, papa, maman, tante, oncle, grand frère, ils ont fait des choses dans la maison. Et j'ouvre une parenthèse. Si tu habites dans une maison que tu n'as pas bâtie toi-même, qu'est-ce que le premier occupant a fait dans la maison? Qu'est-ce que le premier occupant? Tu ne sais pas? Si tu vois aussi sur une terre, tu achètes. Qu'est-ce qu'on a dit sur cette terre-là? Mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Les pratiques mauvaises dans les maisons. Dieu dit à Gédéon, va détruire l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. C'est-à-dire, la première paternité que tu avais avait fait des pratiques pas correctes. Comme tu as changé de paternité, détruis d'abord les pratiques mauvaises. Bien aimé, c'est fondamental. Tu épouses un divorcé, une divorcée. Tu connais les premières pratiques. Bon, parfois, il faut que l'Église conduise certaines choses pour nous aider. Tu dois prier. Tu vas entrer dans une histoire. Vraiment une histoire. Il y a des choses, des familles que nous devons abandonner pour marcher avec le Seigneur. Je te parle à toi qui m'écoutes ce matin. Dans l'église ou à la télévision. Si tu n'abandonnes pas certaines choses de ta famille. J'aime Ruth. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai. Mais toi, tu n'abandonnes pas les choses de ta famille. Tu sais. Et tu mourras. Il y a la mort physique. Il y a la mort spirituelle. Il y a la mort morale. Il y a la mort dans les affaires. Pourquoi? Parce que tu as pris certaines choses de la famille qu'il fallait laisser. Tu as pris des hôtels qu'il fallait laisser. Il faut laisser. Gédéon a dit, Seigneur, j'ai 4 grands problèmes. Aide-moi. Ma tribu. Il y a eu des paroles. Ma famille, il y a eu des paroles. La maison de mon père, il y a l'hôtel de Baal. Le héros avait des problèmes. Ce n'est pas parce qu'on est héros qu'on n'a pas de problèmes. Le champion, le héros avait des problèmes. Pendant que le Saint-Esprit nous parle, il y a des choses aujourd'hui, bien-aimés, il faut prendre des décisions. Vous avez cette histoire, non, Omba, où t'as pas ta dioté, c'est vrai. Nous devons prier. Abraham, c'était le père de la foi. Arfan, il ne porte pas ta moto. Isaac, Arfan, il ne porte pas ta moto. Jacob, Arfan, il ne porte pas ta moto. À cause des problèmes de famille. La maison du Père. Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Il y a des hôtels. Oh, ce matin, il y a des hôtels qu'il faut renverser. Je vais montrer un exemple pour gagner le temps. On n'a pas beaucoup de temps. Je vais envoyer à Albert, mon fils. Il faut écrire. Il faut écrire. Genèse 31. Genèse 31, verset 30. Regardez une mauvaise histoire qui nous, disons, une histoire qui nous interpelle. Genèse 31, on commence à partir du verset 30, 32, 33, 34. Commençons là-bas. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, parce que tu languissais, languissais, c'est quoi? Parce que Ouran Zapaka Koutamani Kurudia Kwababaya. Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? C'est la bande qui dit à Jacob. Pourquoi tu as dérobé mes dieux? Verset 31. Jacob répondit et dit à la bande. J'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Verset 32. Mais, écoutez bien. Mais, périsse. Voyez les choses qui commencent à se passer dans la vie. C'est des paroles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. La dernière phrase. Lisons ensemble la dernière phrase. Bibiaki. Au lieu Ache ba miungu ba babayaki kwabo. Anafuchika. Mais il y a une chose. Ule ashiku vunje ile miungu. Atakufwa. Et Jacob l'a confirmé. Et Laban l'a confirmé. Vous êtes mariés. Faites attention à ce que l'Esprit dit. Vous allez vous marier. Ne donnez pas aux enfants des choses qui vont leur amener des problèmes. Pour le moment, je ne sais pas si ça existe encore, mais quand on était enfant, on nous disait Kachindikisha. Même maintenant, ça existe. Hein? Ça existe? Kachindikisha. Comment Banakoa, il faut qu'on nous passe. C'était une fille. Hein? Il n'y avait pas de garçon. Il n'y avait que des filles. Asema Ujo Kachindikisha. Kumbini Kamashikiyo. Et qu'on a chiquia. Heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp. C'est pourquoi les anciens mariages tenaient encore. Kachindikisha. Banan pacha na masakoshi. Banan pakala na mpemba. Wafako wende umusindikishe dadako. Oh bien-aimé. Verset 33. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes et ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa, entra dans la tente de Rachel. Verset 34. Rachel avait pris les téraphimes, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Elle a caché aux yeux de Laban. Mais comme le monde spirituel est ce qu'il est, ce n'était pas caché. Il y a des choses que nous cachons. Mais le monde spirituel est au courant que dans votre maison, il y a des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Dans votre maison, il y a des pratiques occultes. Dans votre maison, il y a des cérémonies occultes. Vous êtes des jumeaux. Vous êtes des jumelles. Comment moi, je n'ai pas de mon enfant. Dans la maison des enfants de Dieu. On dit non, non, il y a ni mambouille, chambouille. Michel, ni mambouille, chambouille. Donc, à cause des jumeaux, Dieu lui donne l'autorisation d'être impoli. Bon, je ne sais pas. Ah, frère, il y a des choses. Moi, j'ai entendu quelqu'un. J'ai dit, mais qu'est-ce que se passe? Comme justification, on me dit, non, pasteur, il y a du mambouille. J'ai dit, mais ça signifie quoi? Donc, parce que Dieu t'a béni avec deux. Donc, on a quoi tout bon? Bon, je ne sais pas comment expliquer. Donc, on a un petit amour. Et tout le monde est d'accord. Et la maman, qu'est-ce que je vois, elle ne se gêne plus. Elle balance des choses. Alors moi, je commence à m'en prendre à ses frères. À ses frères. Non. Ah, pas non, pasteur. Je suis fante loi. Je dis non. Moukanis, nous allons briser cet esprit. Mwambouy, Moukanis. Mwambouy. Mungu akubariki. Ile mpepo ya mwambu itoke. Donc toi tu es une mwambu chrétienne. Ne suivez pas ces choses. Ba mwambu ba mingi za kwa mashetani. Mungu anakubariki. Wala za kutu compliquer. Et j'ai posé question à quelques jumeaux qui m'ont dit exactement. Sauf que je n'ai pas eu l'occasion d'entrer en détail. Mais ils m'ont dit, pasteur, c'est vrai. Quand nous étions des enfants, je pense que. Ah, c'est ça, c'est comme ça qu'on faisait. Ah, c'est ça. Nikuba Penta. Pourquoi? Et les gens ont grandi comme ça. Donc sur eux, il y avait des esprits. Et la personne avec qui je parlais dit non, à un moment donné, jumeau wango arikufa. Il y a mis mon nieu. La maison de notre Père. Dieu dit à Gédéon, va d'abord détruire l'autel de Baal. Et pendant que je parle, nous allons détruire toutes les pratiques dans les maisons de nos pères. Alléluia. Alléluia. J'ai vécu avec un cousin, il est déjà décédé. Hier, il ne s'engage pas à ça. Nous sommes à table. Tonge ya kwanza. Anaweka mumboka. Anaweka chini. Je dis, Ah, ça m'a pas désiré. Joville. Vous n'avez jamais vu ça. On a bien ville. Bon, allez au village, vous allez voir des choses. On a fait un tour au village. Il met par terre. Il me dit que son père était chasseur. Il lui avait dit qu'il faut bancambo ba courrier. Je lui dis, Utaleta ba fourmi. Bon, est-ce que tu n'as pas de mal? Mais il y a un camp qui a couru. Je lui dis, Utaleta mankololo. Mankololo. Donc, il y a un camp qui a couru. Il y a un camp qui a couru. Or, la première boule, elle est stratégique. Bon, on ne parle pas en mal de moi. Mon frère est déjà mort, mon cousin. Alléluia. J'espère que après, il a eu à recevoir le Seigneur. Mais Banka Bobarikoura quand même ça. Chaque repas, la première boule, c'était. Bon, parce qu'à l'époque, on mangeait tous. Tout le monde avait une seule boule. Donc, nous avions une boule familiale que nous mangeons. Ok, quatrième limitation, on va prier. Le rang social. Beaucoup de gens sont bloqués dans leur vie à cause de leur rang social. C'était le problème de Gédéon. Il pensait que comme il était né pauvre, comme il était d'une famille pauvre, il y a des choses qu'il ne pouvait pas avoir. Oh, je vais encourager quelqu'un. Nous avons Dieu. Frère, nous avons Dieu. Aujourd'hui, il va briser les limites de ta vie. Parce que tu es un héros. Et j'aime quand quelqu'un est né d'une famille pauvre et que Dieu l'élève normalement, pas les hommes. Si les hommes élèvent un pauvre, Mounakoufa. Mounafanini, Mounakoufa. La Bible dit dans le Proverbe, il y a combien de choses qui font trembler la terre? Combien? Sept choses. Il y a des choses, quand ces choses arrivent, la Bible dit que ça crée un tremblement de terre. Quand une servante dépossède sa maîtresse, la Bible dit, ça fait trembler la terre. Donc, bonne. Alors, pique à maman coupée. Bonne en amour. En afoukish à Bible. En haut à bonne. En vrai, je suis là, Mambo. Bon, de toute façon, la Bible en parle. Même chez Yonak. Mais Bible est assez, moi. Quand une bonne prend la place de sa maîtresse et dit ça fait trembler la terre. D'ailleurs, est-ce que tu n'as pas quand tu n'as pas jamais? Tu n'as pas quand tu n'as bon. Parce que la joie, c'est non, là, il y a un danger. Bon, ce n'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le rang social, c'est une grande limitation dans nos têtes. Alors, je vais donner trois choses qui nous permettent de nous débloquer des mauvais rangs sociaux, de nous libérer. C'est un poids. Gédéon a dit à Dieu, ma famille est la plus pauvre. Je ne peux pas. Non, il y a des riches. Il y a des millionnaires au Congo. Il y a des millionnaires à l'ICAS. Mais moi, je suis pauvre. Est-ce que je peux maintenir, évangéliser les millionnaires? Je suis pauvre. Je n'ai pas étudié. Est-ce que je peux évangéliser les érudits? ceux qui ont beaucoup étudié. Paul, il dit, nous en réussissons plusieurs, quoique étant pauvres. Il y a trois choses que j'ai découvertes dans la vie de Isaac. Et retiens ces trois choses qui vont t'aider. Ces trois choses vont t'aider. Genèse chapitre 26. Première chose, verset 3. Genèse chapitre 26, verset 3. C'est la première chose. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et ta postérité. Et je tiendrai le serment. C'est Dieu qui parle à Isaac. Je serai avec toi. Et quand je suis avec toi, je vais tenir le serment. C'est la même chose qu'au verset 24 et 25. Verset 24 et 25, je parle de la première chose. 24 et 25. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. La première chose, être avec Dieu. Peu importe ton rang social, la première et la plus grande chose, sois avec Dieu. Surtout nous les Noirs, nous sommes la preuve que Dieu, comme disait Marie, Marie mère de Jésus, quand elle est entrée chez Élisabeth, elle dit, Dieu se souvient de la bassesse. Et Anne a dit, il prend quelqu'un du fumier. Oh bien-aimé, parmi nous, plus de 50%, Dieu nous a pris du fumier. Nos pères n'étaient presque rien. Rien. Ma femme est témoin. Je lui disais toujours, « Mie, je suis dans la généalogie. » Alors elle m'encourageait, elle me disait toujours, « Non, non, tu seras le premier à commencer l'histoire de ta famille. » Frères et sœurs, je les déclare, toi aussi, tu seras le premier à commencer l'histoire de ta famille. Ça fait des années qu'on se marie, c'est en 2000, 2001, 2002, 2003. La généalogie de ta famille. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est pénible. Tellement boubab le tuamba comme maïsha. Il est sa bateau tobana comme on a fait un barudier pour le mourir. Alors tu dois lutter contre ces choses-là. La première chose, c'est être avec Dieu. Deuxième chose, toujours dans Genèse 26, verset 12. J'aime ça. Isaac s'éma dans le pays. Et il recueillit cette année-là le centuple. Pas le double. Pas le triple. Il recueillit le centuple. Je vous explique bien. Quand on sème, ce n'est pas pour récolter le même jour. Quand on sème, c'est pour récolter après 6 mois. Myoko, c'est combien d'années? Myoko. Myoko de 3 ans. Les palmiers. Qui peut nous donner l'idée? Les palmiers, on récolte. Comment on a ôté chaque palmier Ngazi? Combien? 6 ans. Les palmiers. Tunda kani na kawaka, payo kutoka sasa matunda. Hein? Noix de coco, c'est combien d'années? Donc, on a été ça au tekuri à katuna, on n'a pas beaucoup. En fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ceci. 1. Isaac était avec Dieu. Ça ne suffisait pas. Il priait. C'est comme nous, on venait à l'église. Des séminaires. Des combats spirituels. Des veillées comme on en aura vendredi. Mais ça ne suffit pas. Il devait faire une deuxième chose. Il devait s'aimer. S'aimer, c'est investir. C'est pour l'avenir. Mes frères, mes amis, mes soeurs, maman, enfant, tu ne changeras jamais de rang sociaux si tu n'apprends pas à investir pour demain. Je sais qu'ici, les pentecôtistes, des problèmes. Mais je dois vous enseigner, et ce n'est pas nécessaire de dire amen. Tu souffres aujourd'hui. Tes enfants souffriront demain. Parce qu'aujourd'hui, tu ne mets rien pour récolter dans 6 mois, pour récolter dans 6 ans, pour récolter dans 10 ans. Joseph dit à Pharaon, les 7 années qui viendront, il y aura une grande famine. Ce n'est pas la prière. Mettons de côté. Le rang social. C'est comme dans mon famille. Tu n'as tes. Pourquoi? Mina pata mina kure. Kuku bantu. Mumantum boyabo. Musha kuna ma camion ya froma. Mumantumbo. Mina landa. Kana konte ma beignet. Bitumbula bilo chaka kuria. Ayo inesha camion. Donc, à un akwata na kansani, on a choisi de tomber la bandou. On souffre, nos pasteurs nous ont béé, maïsha, kuna na misi, frère. Mon tombo yako, mouko camion et bitumbo, mouko camion ya bung. Si y'a papa mabukari, midi soir. Si jou, par an combien de sacs sont dans le ventre? Dieu seul sait. Non. Isaac a semé. Investi pour demain. Aujourd'hui là, je répète ce que j'ai dit à l'église sous féconde. Mita ombe a balé beko na investir. Oué olo kona kouri a kajiaku. Nyongo ya libumu. Kakulia, kakulata. Lata kakak. Investi. Frère. Utacha garde robe, utenda mukaburi na robe moya. Et puis bon, pas t'amener na bilat. Parce que là, on n'entre pas avec les chaussures. De l'autre côté, on n'entre pas avec les chaussures. Bilat, de l'autre côté. Moi, je pense que c'est malaika qu'on a bilat. Malaika prend un mangoua. Attends, ma papa ou ta bébé. Investis. Isaac a semé. Mes amis, les anciens, investissez. Les serviteurs de Dieu, investissez. Les mamans, investissez. Choristes, investissez. Source féconde, Canisa est à changer. Si nous avons 10, 20, 30 personnes qui investissent, que Dieu te bénisse, mon frère. Je peux témoigner pour lui. Et je prie pour lui. Je suis parti chez lui, j'étais étonné. Par rapport à quand il est venu de Mboujimaï. Investissez. Les mamans. Investissez. C'est ça l'autonomisation. Autonomisation. Ok, ça est ma Swahili. Il est tout compliqué dans mon Swahili. Donc, si ma Swahili, enfin, si ma Bantu, n'a investi rien mon Swahili, il a une autonomisation, mon Swahili, il a une âme. C'est difficile. Plusieurs mois de mars. Mais combien de mamans investissent au mois de mars? Les années, nous, les papas, dans l'église, combien de papas? Aujourd'hui, je vais prier. Oh, que Dieu bénisse tout celui qui va investir dans cette église au nom de Jésus-Christ. Le pauvre, c'est celui qui mange aujourd'hui qui ne sait pas comment il va manger demain. Ou si l'on dit, c'est Tagne. Le pauvre, celui qui pense que l'argent, je mange terminé. C'était ça, Gédéon. Mamboya qui a piqué Mikate à bébé Makuri. Deuxième chose. Troisième chose, on termine par là. Le verset 22. Surtout dans Genèse chapitre 26. Verset 22. Mettez-moi le verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits. Ah, ça j'aime. Vous savez, vendredi, on va étudier certaines choses. Regardez, la Bible dit que il se transporta de là. Donc, on a tout capable de faire charikouille. Et puis, il creusa un autre, c'est-à-dire qu'il y a un puits à Kwanza. Puis à Kwanza, à Rishindwa, les ennemis sont venus, ils ont bouché. à pire. Benemi Barakuya bana bouché. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier que Dieu te donnera raison que non, mina biacha, jujana nishindo. Tu nishindo masomo mine biacha. Tu nishindo année passée le business mine biacha. Non. Il s'est transporté de là. Il a changé de place. Il a creusé encore. Il avait le mental des reins. Le mental des reins. Il ne pouvait pas abandonner. Troisième chose. Si tu veux changer de rang social, n'abandonne pas quand tu dois travailler. Travaille encore. Il y aura des ennemis qui vont boucher. Creuse encore. S'il bouge ici, je vais là-bas. Il bouge ici, je vais là-bas. Et Dieu t'amènera à un endroit où tu diras Ebenezer. Dieu m'a mis au large. Parce que Dieu a vu la ténacité d'Isaac. Quatre limitations. Nous allons prier. Je récapitule. Et on prie. Il y a des choses que tu dois retenir. Qu'est-ce qu'on a dit ce matin? Il y a quatre limitations dans la vie de plusieurs qu'il faut combattre, qu'il faut briser pour commencer à marcher dans la victoire. La première limitation, c'est des paroles qui ont été prononcées sur ta tribu. Des paroles. Toi, tu n'étais pas là. On a vu Manassé. Jacob a parlé. Et ses mauvaises paroles ont poursuivi. Oh, il y a une histoire dans Josué 9, on n'a pas le temps de lire. Les Gabaonites avaient roulé Josué. Quand Josué a découvert, il dit que Moutakwa ba esclave, on se dit c'est quoi? Moutakwa ba tout moi, moi, bote na bizazi bien. Vous savez, quand vous allez dans les villages, il y a des gens qui sont nés, qui vivront leur lignée, Batoumoua et Abafal. Non, pas ça la kouichik. Si tu Batoumoua, il y a chef Foulane. Quand ce chef meurt, on veut l'enterrer avec un homme, on prend quelqu'un là, débat tout moi, on le met dans la tombe. Vivant ou mort, on ne sait pas. Ils ont accepté. Chez les Bakouba. Voilà, vous avez dit chez les Bakouba. Bakouba. Chez les Bakouba. Bon, c'est presque dans toutes les tribus où il y a des choses comme ça. Je ne voulais pas seulement citer les noms, c'est dans toutes les tribus. Deuxièmement, les familles. Il y a des lois dans certaines familles. On a vu Abraham. Les aînés avaient des problèmes. Ismaël a eu des problèmes. Isaac. Ésaü a des problèmes. Jacob. Ruben a eu des problèmes. Joseph. Manassé a eu des problèmes. Éphraïm. Toutes leurs femmes pour mettre au monde, c'est des problèmes. Et j'ai dit, nous voulons prier maintenant. Examine bien ta famille. Regarde l'aîné. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Prie pour que ça ne t'arrive pas. Il y a même des gens, quand ils ont certains noms, c'est des problèmes. Le Saint-Esprit est là ce matin. Commence à monter grâce. Il faut que Dieu nous fasse grâce ce matin. Le Saint-Esprit est là. Sois concentré. Il y a l'héritage subi et l'héritage promis par Dieu. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. Pierre, il dit, il nous a appelés pour un héritage qui ne peut ni se corrompre ni se flétrir, qui nous est réservé. Nous avons besoin de l'héritage que Dieu nous réserve, pas de l'héritage que nous subissons à cause du sang. Regardez la famille d'Élimélec. Tous les hommes devaient mourir. Élimélec est mort, Maslon est mort, Kilzo est mort. Il n'y avait plus d'hommes dans la famille. Il y a des familles qui ont perdu les hommes. Et les femmes étaient distraites. Et les gens commençaient à souffrir. Oh bien-aimé, ce matin, il faut briser cette limitation-là. Il faut briser. Il y a des familles où les femmes ne restent que des veuves. Observez bien. Il y a des familles, pour avoir un diplôme, c'est des problèmes. Tout le monde a mis les études, mais personne n'a le travail. Non, bien-aimé, ces lois-là, il faut les briser aujourd'hui. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Le Dieu qui nous a donné ce message, le Dieu qui nous a réveillé la nuit, parce qu'il connaissait. Aujourd'hui, il veut faire quelque chose dans la vie des gens de cette église. Il y a des maisons où, à cause de certaines pratiques, les problèmes commencent à toucher les enfants. Il y a des maisons, la maison du père de Gédéon, il y avait l'autel de Baal. Mais ils ne pouvaient pas gagner la victoire avec l'autel de Baal. Frères et sœurs, si dans ta maison il y a des autels de Baal, tu dois prier ce matin. Tu dois arranger avec le Seigneur. Regardez Rachel, la femme de Jacob. Elle a pris les dieux, les téréphins de Laban. Et Jacob et Laban ont dit, celui sur qui tu vas trouver mes dieux, il va mourir. Rachel est morte. Elle est morte. Quand elle a vu Benjamin, elle est morte. Elle n'a même pas eu le temps de se prosterner devant l'étoile, alors qu'il y avait une promesse où elle devait se prosterner devant Joseph. Jacob l'a fait seul. Frères et sœurs, les pratiques dans nos maisons nous privent des meilleures promesses de Dieu. Ça nous prive des meilleures promesses de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Là où tu vis? Ni Bankishi, Bankishi, ni Madawa, les fétiches, ni Bibaya. Ce sont des mauvaises pratiques. Que Dieu t'aide aujourd'hui. Et quatrièmement, le rang social. Trois choses. La première chose, être avec Dieu. La deuxième chose, que Isaac, que Isaac a fait. Il est Isaac Alifani. Il a semé. Investi. Tu n'arrives pas à investir. Aujourd'hui, Dieu va ouvrir ton intelligence. Tu vas faire quelque chose. Et la troisième chose, il a creusé encore. Et encore. Et encore. Et encore. Les Philistins bouchaient, lui creusaient. Il creusait. Oui, il y a des ennemis qui bloquent ta vie. Qui bloquent. Qui bloque, mais n'abandonne pas. Il y a des échecs aujourd'hui, n'abandonne pas. Go ahead. Go ahead. Don't stop. Go ahead. Go ahead. Don't stop. Vas-y. Don't stop. Apala kusimamisha. Go ahead. Endelea mbele. Touch. Hallelujah. C'est pour ton bien. Dieu même yako. Creuse encore. Chimba tena. Creuse encore. Chimba. Si ça ne marche pas ici, Ama, transporte-toi là-bas. Hama, si ça ne marche pas là-bas, Kama, pa transporte-toi là-bas. Hama, transporte-toi. Henda mais singine. Don't stop. Apana kusimamisha. Investis. Nous voulons prier. Lève ta main, même assis, il n'y a pas de problème. Si tu veux te tenir debout, tiens-toi debout. Si tu veux rester assis, reste assis. Lève ta main. Lève ta main. Qu'est-ce qui limite ta vie? Oh, j'aimerais que toute l'église. Que nous puissions chanter Jinala Komungu ni Mwema. Vraiment dans une attitude d'adoration. Ohali ya maabudu. Mwema. Jinala Komungu Fali. Akuna Mungu. Wa ushindi kama wewe jina lako chante ce cantique dans de prière, bien-aimé. Imba wimbo, ce matin, hallelujah. Dieu va nous faire grâce. Mungu atatufanyia nehema. Chante, bien-aimé, chante ce cantique. On peut même arrêter les instruments. Nous chantons ensemble. Wimbe tu pamoja. Oh, Lève ta voix, commence à prier maintenant. Commence à prier, élève ta voix. Commence à ça. Nous sommes en prière, toute l'église. Nous sommes en prière. Commence à prier maintenant. Ce matin, tu dois briser. Tu dois briser les limitations. Tu dois briser les limitations. Oh, les limitations. Alléluia. Dans ta famille, dans la tribu, dans la maison de ton père, le rang social, ce matin, tu dois briser. Yahweh est là. Yahweh est là. Hey, Yahweh est là. Yahweh est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Commence à prier. Il est là. Il est là. Oh, il est là. Yahweh est là. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Prie, prie ce matin. Tu dois briser les limitations. Tu dois briser ce matin. Tu dois briser. Tu vas briser. Au nom de Jésus. Tu vas briser. Oh, merci Yahweh. Merci. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia. Tu dois briser. Hey, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, il est là ce matin. Tu vas briser, les limitations au nom de Jésus. Alléluia. Oh, mon Kubarikisan. Je te bénis beaucoup. Même aujourd'hui là, le Seigneur qui nous a dit de le dire, il va faire quelque chose pour toi. Je suis convaincu que cette parole ne va pas rester en l'air. Lève ta main droite, nous allons prier ensemble maintenant. Les quatre points sont les quatre sujets. Donc, sujet à Kwanza. Le premier sujet. Tu pries en faisant tomber toute parole. Il est suspendu, Yulu et la tribu. Ils sont suspendus dans votre tribu. Si bon de ma tribu, si bon de... Toutes nos tribus et nous tous. Jacob en a été tous les 12 tribus. Jacob a rassemblé tous ses enfants, 12 tribus. Il ne les a pas flagellés non plus. Il a parlé. Ruben, il a parlé. Anasema. Manassé, il a parlé. Manassé aussi, il a Judas, il a parlé. Judas, il a parlé. Là où il y avait des erreurs, une parole est corrigée par une autre parole. Il fallait que Moïse, il passe Moussa dans Deutéronome. Que Moïse puisse parler pour corriger. Usa kuya seme ili atengeneze. Anamwambia que Ruben vive. Anasema Ruben sasa naye aishi. Chobati ya Ruben. Oh, c'était sa seule chance. Oh, mimi napenda tuombe. Yemera koko nantra prière. Kila mtu. Tutaenda chacun de nous. Tukuna omba. Salon prier. Huku na annuler. Là tu vas commencer à annuler. Masemo yote. Toutes tes paroles. Il est suspendu. Ils sont suspendus. Bakabila yes. Sur votre tribu. Huku na annuler. Là tu vas commencer à annuler. Masemo yote. Toutes tes paroles. Banduku. Bien aimé. Manasse asikujue. Manasse ne savait même pas. Jacob amweke mukono ya droite. Jacob oliyo kile mbete na mwendo mukono ya gauche. Il a changé la main gauche. Non non. Pana. Apana. Non non. Huku na annuler. Là nous allons annuler. Masemo yote. Toutes tes paroles. Katika jina la nous élevons nos voix, nous prions. Élève ta voix, commence à prier. Tu pries au nom de Jésus. Prie que ces paroles-là ne te concernent pas. Que ces paroles-là ne te touchent pas. Les mauvaises paroles. Les mauvaises paroles sur ma tribu, ça ne me concerne pas. Ça ne doit pas me toucher. Parce que j'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens à la tribu de Judas, la tribu de Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus. Ça ne me concerne pas, ça ne me touche pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. pas me toucher. Ça ne va pas me toucher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. J'annule toutes les mauvaises paroles sur ma tribu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh mon Gobarik. Aujourd'hui, il y a un miracle. Aujourd'hui, quelque chose va se passer dans cette église. Alléluia. Nous nous mettons maintenant debout toute l'église. Maintenant, nous nous mettons debout. Nous mettons debout. Deuxième sujet de prière, c'est les familles. Là, c'est des prières avec scellement. On a scellé, on a fait un vœu. Tu vas faire un vœu. Dans la prière. Dans je vous ai dit. Bien famille Abraham. La famille d'Abraham. Pakuzala Mutoto. Pour avoir un enfant. C'était des problèmes. Abraham a souffert. Abraham a été Isaac a souffert. Isaac a été Jacob a souffert. Jacob a été vilain. Même Joseph lui-même. Attends, Yusuf, mon yéwe. Famille Abraham. La famille d'Abraham. Les aînés. Ont souffert. Ils ont été remplacés dans l'héritage. Abraham s'est arrivé. Isaac s'est arrivé. Jacob s'est arrivé. L'héritage subit. Malgré les promesses. Famille Elimelech. Famille Elimelech. Babouana Bakou fait paka. Tous les hommes ne faisaient que mourir. Hey, quelle loi? Chérie Anna Mouragan. Liée au sang. Il y a combattu un Adam. C'est comme ça, Ézéchiel 18 dit, les pères ont mangé des dents vertes et les fruits verts et les dents des enfants sont agacés. Il a dit que la sebaka ma baba va recouler ma tonde mbiti. Le batoto jo mène en arabika. Tu as combien ma loi y a famille. Nous aimerions maintenant prier pour les lois des familles. J'ai dit ceci. C'est ma vie. Pendant que nous prions, observe. Vos familles. Dans votre famille. Observe les aînés. Angaria baleba, bazali wa makwanza. Bekoji. Comment sont-ils? Et tu vas prier. Kisha utaomba. Les aînés filles. Banabaoa. Banamuke. Ils sont mariés? Ils sont pas mariés? Banesha masomo. Ils ont terminé les études? Banesha masomo. Ou pas? Bariba pa mimba. Ils ont été engrossés. Ou à la panne. Mais c'est sérieux ce que j'ai dit. Ne m'y aime bien les mambo, y'a ou hakitu. Barifisha babouana. Ils ont perdu leur mari. Ou à panne. Ou non. Barizala Moussouri. Ils ont bien enfanté ou pas. Les aînés garçons. Bale, bazali, wa konja banome. Ils peuvent se faire un chindan. Est-ce que baripita moubalabala Moussouri. Ils ont passé la bonne voie, oui ou non. Bien aimé, c'est sérieux. Et si tu remarques qu'il y a un problème, tu viens toi-même en prier pour toi. C'est des jours un peu compliqués. Nous sommes debout, depuis que nous sommes debout. Parce que Dieu nous a dit de dire ça. Les familles. Famille. Ibrahim. Isaac. Isaac. Jacob. Jacob. Même Joseph. Ata Yusuf mwenyewe. Ole bambariki Manasse. On a béni Ephraim. Moi j'ai mal. Ça doit changer aujourd'hui. Cher, tu vas dire que Léo. Lève ta main droite. C'est ma pour moi, j'en ami. Parle avec moi. Buana Yesu. Buana Yesu. Asubuya Léo. Asubuya Léo. Il est ma loi yote. Il est ma loi yote. Yamubaya. Yamubaya. Yamufamii yetu. Yamufamii yetu. Kwanza kubangambo. Kwanza kubangambo. Na mimi niko naona sasa. Niko naona sasa. Bila bikatala. Bila bikatala. Onode. Jina la Yesu. Onode. Jina la Yesu. Elle est comment commence à prier. Anta kuomba sasa. Commence à prier. Anta katala sasa. Mais me prie. Sauve ta famille. Sauve ta famille. Naomi était distraite. Maslow est parti. Kiljo est parti. Elimelech est parti. Mirakata, la famille est tout. Kufisa mabwana Mila katala Divorce. Il y a des familles qui sont mortes prématurées. Mais tu sais et tu pries. Ma divorce, ma famille est à Itakuyam. Veuvage à Itakuyam. Orphelinage à Itakuyam. Mais continue à prier. Léo Bissanze. Léo Bissanze. Bale Baranza Koufa Bata Koufa Tena. Stérilité à Itakuyamo. Kata la stérilité. Batotoyako batazala. Utazala. Kata la. Mais les messages, c'est la famille. Tomboka Moumaobi, prie. Prie. Prie. Prie. Batotoyako batifiche babouana. Batifiche babibi. Mais continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Oh, délivre ta famille. C'est toi le héros de ta famille. C'est toi le héros de ta famille. C'est toi le héros de ta famille. Prie ce matin. Bandou, omba, omba, omba, omba. Bisou, fikie. Bougou, voya quoi la fiche à Bibi. Ou aussi fiche à Bibi. Bougou, voya quoi la fiche à Boana. Ou aussi fiche à Boana. Prie, bien-aimé. Il est malade, il roule à ma famille. Oui, c'est coué. Oh, assoumouya Léo. Kati Katina la Yes. Oh, t'as coupé les malades à ma famille. Cancer du sein. Aïda Koubamba, oui. Cancer du utérus. Aïda Koubamba, oui. Cancer de la prostate. Aïda Koubamba, oui. Tout le monde a bien goussa. Il est maman Gonda à Moutam. Kati Katina la Yes. Kati Katina la Yes. Nicolas Biangusa. Il est maman Gonda à Moutam. Kati Katina la Yes. Il est maman Laria Moutam. Nicolas Yangusa. Moutina la Yes. Moutina la Yes. Moutina la Yes. Moutina la Yes. Moutina la Yes. Moutina la Yes. Moutina la Yes. Moutina la Yes. Kuna kwa mabukovi ingine wanafika. Ni mabukovi ya famii. Aina tu yako ni tu ya famii. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Mungu akusaidie. Dieu t'aide. Mungu akusaidie. C'est tellement que Dieu t'aide. Mungu akusaidie. Troisième sujet de prière. La maison de mon père. Nyumba ya baba yangu. Ninini. Ni hotel kani na kwa nyumba ya kizazi. Le hotel qui est dans la maison de ton père. Bien-aimé. Pendoa. Rachel. Rakeli. S'est caché. Aliweza kuficha. Devant Jacob. Alificha mbele ya Yakobo. Son mari. Mume wake. Devant la bande. Son père, Baba yake, mais pas devant Dieu. Akini aina mbele ya Mungu. Les paroles étaient déjà là. Misemo ilikuwa pale. Ça c'est grave. Hii ni hatari kabisa. Si dans ta maison, dans ta vie, kama mnyumba wala maisha yako, il y a des pratiques, uko matendo moya fulani, occulte, ya uchawi, demande pardon. Lomba masamale. Prise ces hôtels là. Vunja masabao yote ile. Brise ces hôtels là. Vunja masabao yote ile. Même dans nos maisons dans lesquelles nous vivons. Même celle-là, tu ne connais même pas. Je n'ai pas les premiers à y habiter. C'est cette terre dans cette maison. Comment tu étais marié par un homme divorcé, par un homme veuf. Tu t'es marié à un divorcé. Bonne veuve. Là où tu habites. Bien aimé, il faut prier. Oui, hombre. Là où tu fais le business. Mais on a fait un viachara yako. Comment magasin nous comme on est gamin on est riloka. Il y a certains magasins quand tu entres là-bas, ah, tu t'en sors toi-même. Avant, pourquoi pas bouddhiste? Avant, il y avait des bouddhistes là-bas. C'est lui qui était dans ce magasin, il faisait des pratiques. Parfois, il faisait des pratiques le matin. Il fait ça dans le magasin. Toi, tu entres. Pour que tu aies la clientèle, c'est un problème. Oh, bien aimé. Pendoa. Dieu dit à Gédéon, Gédéon va détruire l'hôtel de Baal. Il y a Baal. J'aimerais en cet instant, dans quelques nous minutes, nous allons prier tout et détruire tous les hôtels là où nous nous trouvons. Kule, dans nos vies. Et si tu sens concerné, nous n'avons pas l'habitude d'attendre l'appel. Je ne veux pas faire l'appel. Si fait viens pendant que nous prions. Nous prions pour toi. Mais pendant ce temps-là, nous allons d'abord détruire. Lève ta main droite. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asubuya leo. Asubuya leo. Nina détruit. Nina détruit. Ma hôtel yote. Hôtel yote. Nyumba yangu. Nyumba yangu. Mukazi yangu. Mukazi yangu. Mumashamba yangu. Mumashamba yangu. Business yangu. Business pale pa mulongo mine kala. Mulongo pale unaikala. Pale mina tumikia. Pale mina tumikia. Mine biote bari fanya ma hotel. Mine biote bari fanya kama hotel. Mine kuna bi détruire. Mine bi détruire. Mine fungula parenthèse. Fungula parenthèse. Surtout si tu es locataire. Kama uko na lipiaka. Il faut prier. Ombeya. Il faut prier. Ombeya. Ce n'est pas ta maison. Il y a une nyumba yako. Tu ne connais pas l'état d'âme du propriétaire. Hali ya nafsi ya ule mwenye nyumba. Il faut prier. Ombeya. Il y a des gens qui sont bloqués. Batu bengine abendele. Parce qu'ils sont locataires. Sababu boko nalipia fast boy. Ou tu es bloqué parce que tu as acheté une maison. Wale unabanwa sababu uuza nyumba moye. Chez un extraterrestre. Ile nyumba kwa mtu mwa mazinga omboy. Nous voulons prier. Tunapenda kuomba. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asubuya leo. Asubuya leo. Ninaangusha. Ninaangusha. Ile hotel yote. Hotel yote. Pale mimi natumikia. Pale natumikia. Ule biro mimi natumikia. Biro ni watumikia. Ule mudumba mimi nekala. Mudumba mimi nekala. Ono des. Ono des. Ono des. Ono des. Ono des. Ono des. Commence à prier, prie. Prie, détruis les hôtels. Ninaangusha. Nangusha. Nangusha. Ma hotel yote. Yote. Dans ma maison je vis. Dans la parcelle où je vis. Dans le bureau où je travaille. Dans les véhicules que j'utilise. Au nom de Jésus. Prie. Prie, bien-aimé. Priez bien aimé, continue à prier, c'est pour ta délivrance ce matin, c'est pour ta délivrance, prie le Seigneur, prie le Seigneur, le quartier où tu es, la ville où tu es, continue à prier, le bureau où tu es, le bureau où tu travailles, le véhicule que tu utilises, tu n'es pas le premier utilisateur, prie bien aimé. Que Dieu te bénisse ce soir. On termine avec le rang social. Tu vas prier pour tes investissements. Tu vas prier pour ne pas se décourager et ne pas abandonner parce que tu es avec Dieu. Mais pendant moi, je vais prier pour tous ceux qui ont déjà investi. Ma semence, il y a Isaac et Tocha fois 100. Comme les semences d'Isaac, ça a été multiplié au sang. Isaac, je connais mon sachi. Lui n'était pas saint comme nous. Nous allons prier aussi. Tout à Yombeya. Pas qu'à y donner, t'es na fois 100. Ça puisse encore donner au centuple. Fois 200. Fois 200. Parce que Mungu, nous Mungu est touché. Parce que Dieu, il est. Élève ta voix, continue à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Tu dois briser les rangs sociaux. Quand les quatre points étaient brisés. Tu as dit, maintenant j'ai des enfants en guerre. Tu as tout ce qu'il faut maintenant pour vaincre Madian. Bien aimé, prie. Aujourd'hui, tu auras tout ce qu'il faut pour ta destinée. Papa yonde olobaki bilaka na yo kokokisa ngo. Papa yonde olobaki bilaka na yo kokokisa ngo. Supplions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'accomplir tes promesses sur nos vies. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Avec acclamation, nous disons Amen. Amen, amen. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Nous préparons nos offrandes pendant que la chorale entonne un cantique. Qu'est-ce que c'est? Comborela, Mari Comborela, Africa. Dieu soit la gloire. Je comprenais pourquoi on agate. Amen. Nous inclinons nos têtes. Nous prions pour les offrandes. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? C'est le moment d'accueillir les visiteurs. Si c'est votre première fois d'être avec nous ensemble à l'église Source Féconde, on est à tout manifester de là où vous êtes, Mukono. Nous allons vous saluer et vous accueillir dans la maison de notre Père. Nimalaya kwe akwanza. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous pouvez vous tenir debout. Nous avons deux frères. Est-ce que nous pouvons bien les accueillir dans la maison de Dieu? Ah, il y a aussi trois bien-aimés qui sont là. Est-ce qu'on peut bien les accueillir? Est-ce qu'on peut chanter pour eux? Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Merci, nous vous aimons beaucoup. Ici, c'est l'église Source Féconde. Notre pasteur, c'est le pasteur Désiré. La place que vous avez occupée aujourd'hui, si vous n'avez pas une église d'attache, nous vous prions de l'occuper tous les dimanches et tous les mercredis et vendredis en semaine. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus. Soyez le bienvenu. place au communiqué de la semaine. Du lundi au vendredi, ici chez nous à l'église, nous avons chaque jour de 6h à 7h notre prière matinale. Chaque lundi encore, à partir de 16h30 jusqu'à 18h, nous avons nos rencontres des secteurs. Et le secteur 40 maisons et quartier Zout, il se rencontre chez Papa Olivier. Le secteur SNCC et UCS, ils sont ici à l'église. Le secteur quartier Mission 1, ils sont chez Papa Eric et Maman Fifi. Le secteur quartier Mission 2 et Chitourou, ils se rencontrent chez Papa Jules Niembo à Chitourou. Pour le reste du programme et les dédicaces, nous invitons Papa pour la suite du programme et nous applaudissons pendant qu'il s'avance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. L'anniversaire, nous prions pour Goodness Lukenda. Goodness Lukenda. Il a un très bon nom. Il est où, Goodness? Où elle est où? Elle est où? C'est une fille? C'est un homme? Un garçon. Ils ont pas acclamé le Seigneur. Si c'est votre anniversaire, venez aussi, on va prier pour vous. C'est votre anniversaire. Venez, maman, venez. Venez aussi, ma fille. Oui, Karibia Kumbele. Tiens. Waouh. Ah, on encourage mes enfants. Karibia, Ashangilie. Viens. Est-ce que vous pouvez l'encourager? Ok, nous allons prier pour nos enfants. C'est leur anniversaire, nous sommes dans la joie. C'est une bénédiction du Seigneur. Se réveiller, ajouter les années, c'est une grâce. Et nous bénissons les Seigneurs. Dieu leur accorde encore beaucoup d'années. Qu'ils vieillissent. S'il y a des gens qui ont 80 ans, 90 ans, pourquoi pas eux? Prions pour que Dieu les bénisse et que leur jour soit heureux. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs. Seigneur, nous bénissons leurs années. Nous bénissons leurs jours. Que les années qui viennent soient des années de faveur, de grandes choses que tu vas réaliser avec eux. Nous les recommandons entre tes mains. Merci pour ta fidélité. Sois béni, Seigneur. Sois élevé. Pour tout ce que tu vas faire dans leur vie, nous recommandons entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Merci. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Aujourd'hui, c'est un très bon jour. Et je bénis le Seigneur. Nous avons 5 enfants à présenter au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là-bas? Wow. 5 enfants. Oh, je suis dans la joie. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, on a présenté 12 enfants. Aujourd'hui, 5. 12 plus 5, ça fait 17. 17 divisé par 5, ça fait. On a ça au calcul. Donc, je suppose qu'au minimum, vous connaissez chaque mois, bébés nasal. On suppose qu'en tout cas, chaque 3 mois, nous avons un nouveau bébé. C'est ça? Chaque mois, Amen. C'est pourquoi je prie déjà. Ceux qui ne sont pas encore enceintes, recevez. Ceux qui sont déjà enceintes, que Dieu vous protège. Et des enfants. Alléluia. Amen. Cinq enfants que nous allons dédicacer au Seigneur ce matin. Le premier enfant, Oracle Buzangu Thérèse. Papa Ebenezer Buzangu et maman Vanessa Buzangu. Pendant qu'ils s'approchent, nous acclamons le Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous demandons, maman Michou Fouamba peut nous aider à prendre le bébé. Deuxième enfant, enfant Kiboué Loukele Onyx. Père, papa Olivier Kiboué. Mère, maman Lorraine Kiboué. Maman Fifi, quand je nous aide à prendre le bébé. Troisième enfant, enfant Ilan Elikia Bayot. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Papa Marcel Bayot. Maman Benita. Hey. Maman Sylvie peut nous aider à prendre le bébé. Frère Marcel, Ugo Muzungu, Bayotte, Ugo Espagnol, Congolais, des grands frères et des Espagnols, hein? Bayotte. Ok, le nom de Bayotte, ça me fait du bien. Bayotte. Hey. Moi, je pensais que c'était le prénom, mais c'est le nom. Ah, ok. C'est une bonne chose. Quatrième enfant. Enfant Punga Harmonie. Père Constant Chizubu. Maman Marie Massengo. Maman Bérénice, aidez-nous à prendre le bébé. Cinquième enfant. Ah, c'est bien, j'aime ça. Waouh. Enfant Archip. Archip, je trouve bien prononcé. C'est ça le nom? Hein? Archip. Archip. Ah, j'ai fait. Imaginez compliqué. Archip Lupia. Japheth Irigo d'abord. Père, papa Japheth Londoa, maman Stella Lond. Venez même ici, maman Stella. Venez ici. Maman Blandine Pacifique. Maman Blandine Pacifique, aidez-nous à prendre le bébé. Voilà, waouh, c'est vraiment. Oh, c'est bien. Ça, la cour a chanté quand même un peu là. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est de la joie. Vraiment. Pendant que ma Blandine s'approche, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Les enfants, c'est un don de Dieu. Et puis la Bible dit que ce sont des flèches. Un jour, on en parlera. Ce sont des flèches. Les flèches utilisées pour la guerre. Et quand l'ennemi viendra à la porte, tu vas toucher à Michal. Quand l'ennemi viendra à la porte comme ça, tu vas faire sauter les flèches. Même si tu es affamé là, tu lances les flèches. Même si la maladie vous atteint, alors tu fais sauter les flèches. Dieu donne les enfants. Alors, nous allons prier pour tous les enfants. Nous ne baptisons pas les enfants. Nous les recommandons au Seigneur. Parce que la Bible nous dit, Dieu dit que laissez les enfants venir auprès de moi. Et nous voyons dans la Bible quand Jésus a atteint, oui, 8 jours, on est parti le présenter au temple. On a trouvé Siméon. On a trouvé Anne la prophétesse. Ils ont parlé sur Jésus-Christ. Jésus a été présenté au temple. Et nous aussi nous présentons ses enfants au temple. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous fermons nos yeux, tendons nos mains vers ses enfants et commençons à proclamer de bonnes paroles. Prions pour nos enfants. Seigneur, merci pour tous ces enfants. Nous sommes dans la joie. Je les présente devant toi. Seigneur, que ta grâce soit sur eux. Ces enfants sont présentés dans ton temple, dans ta maison. Je bénis leur vie. Je sanctifie leur nom. Ils ne sont plus liés au sang des familles, mais le sang de Jésus-Christ. Les bonnes choses de Jésus-Christ. Je recommande ces enfants entre tes mains. Que ta grâce soit sur eux. Je bénis les parents qui ne manquent de rien pour voir à ce qu'il faut. Pour ces enfants, pour leur croissance, pour leur éducation. Jéhovah, merci. Merci Seigneur. Souviens-toi d'eux dans leur vie et dans leur parcours. Je prie pour les mamans qui n'ont pas encore des enfants dans l'église. Seigneur, fais grâce. Elles auront aussi des enfants et nous glorifierons ton nom. Je prie pour ceux qui attendent de famille. Protège-les et garde-les, Seigneur, jusqu'à leur délivrance. Merci Seigneur pour ta fidélité. Que l'honneur et la grâce te reviennent. Veille sur ces enfants, Seigneur. Quand ils seront grands, qu'ils te connaissent comme Seigneur et Sauveur. Je les bénis et je les recommande entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu les bénisse, que Dieu vous bénisse. Ils peuvent rentrer à leur place, aider les mamans à s'installer. Que Dieu vous bénisse. Et qu'ils ont pour les encourager, on encourage les mamans. C'est du bien, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Hé, hey, Vanessa, je t'avais déjà oublié. C'est toi. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Encore maman, vous. Hé, hey, c'est une bonne chose. Alléluia. Nous voulons donner une offrande. Je prie que tu le fasses de bon cœur. Nous avons 5 enfants. Alors bénis les 5 enfants. Qui achètent les couches, la poudre. Fais-le de bon cœur. Celui qui arrose sera arrosé. Ce que tu fais pour les enfants d'autrui, Dieu fera pour tes propres enfants. Au nom de Jésus-Christ. La chorale. bénissons toutes les personnes qui ont béni ces enfants, Seigneur. Souviens-toi aussi de leurs enfants, des enfants de leurs enfants. Que ta grâce soit sur eux. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous donnons le programme de cette semaine. Mercredi, c'est la journée où nous prions. Nous préparons le programme que nous commençons. Alors, à partir de vendredi, nous commençons notre programme appelé 10 jours de chambre haute. Dans notre programme appelé chambre haute, nous démarrons vendredi à 21h. Donc, vendredi à 21h, nous avons veillé. Nous allons louer le Seigneur avec tout le courage et nous allons prier. C'est comme ça qu'on appelle ce programme chambre haute. Pourquoi chambre haute? Pourquoi 10 jours? Et ce programme va nous introduire jusqu'à la Pentecôte le 8 juin. Et c'est important. Parce que quand Jésus est ressuscité, entre sa résurrection et la venue du Saint-Esprit, il y a eu 50 jours, comme ça on appelle Pentecôte. C'est 50. Mais Jésus est resté sur la terre pendant 40 jours où il s'est révélé, il se montrait aux gens qui l'ont ressuscité. Et après 40 jours, c'est l'ascension. Il est monté au ciel. Et il a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et les disciples ont pris 10 jours dans la chambre haute pour la prière. C'est pourquoi nous prenons 10 jours de chambre haute. Alléluia. Amen. Je pense que l'affiche, ça passera sur le site de l'église. C'est prêt ici? C'est pas encore prêt? Ok, on va mettre sur l'affiche de l'église, on n'a pas le temps. Nous commençons vendredi à 21h avec toutes les églises sous fécond. De 21h à 5h du matin. Je sais que Koukoubari dit, mais nous allons prier. Venez armés. Avec des missiles balistiques. Et voilà, nous allons prier. Dieu va nous faire grâce. On va prier toute la nuit. Mais soyons là à l'heure parce que à partir de 21h, je donne un enseignement. Comme toutes les églises sous fécond seront là pour nous aider dans la prière et dans la méditation. J'avais même prévu d'enseigner comment méditer. Je vais voir le tamis, comment ça va nous aider. Et le Seigneur va nous aider. Mais Maman Béa Kimo, vous êtes là. Maman Béa Kimo, soyez toujours prête parce que je peux avoir besoin de vous le vendredi. À la veille. Au début, là, nous voulons enseigner les gens sur comment méditer. Il y a plusieurs méthodes, mais voilà, on va essayer d'être précis et ça va nous aider. 21h, nous commençons jusqu'à 5h du matin et nous nous séparons. Nous prenons une pause, ça sera déjà samedi. Donc nous prions vendredi, nous prions samedi. Le soir, nous laissons les choristes répéter. Et dimanche, nous sommes là. Le pasteur Samuel, il commence, il arrive jusqu'à jeudi. Vendredi, il sera avec nous à la veille. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, après le prophète Barak, après le prophète Jado, le pasteur Olivier. Et dimanche, on termine avec l'après-midi. Dimanche, le jour de Pentecôte sera l'après-midi avec le prophète Jado. Voilà notre programme full time. Tous les jours, nous prions pour que Dieu nous fasse grâce. Voilà, nous notons dans nos agendas, nous arrangeons nos programmes. Nous rappelons la contribution pour la construction. Pour joli site. Mais nous ne fatiguons pas, les choses avancent très très bien. Et je bénis le Seigneur pour les amis qui se donnent corps et âme. Je suis tous les messages sur le groupe chaque jour. Tous les partenaires qui ont souscrit pour nous aider. N'oubliez pas le vœu que nous avons fait à Dieu. Parce que nous avons des petits soucis de blocs pour joli site. Parce que le groupe a été créé. Maman Michou, Chouchou. Le groupe a été créé. Le groupe de partenaires, voilà. Il y a un groupe de partenaires. On va vous envoyer des messages pour vous exhorter. Si vous n'êtes pas là, voyez-la, impliquez-vous pour nous sensibiliser. Voilà les programmes. Alors, je sais qu'on a débordé un peu, mais on demande aux mamans de rester à la fin du culte pendant 10 minutes. Vous avez une communication importante à parler entre vous. Nous sommes arrivés à la fin. Merci pour la patience. Et merci vraiment, je bénis le Seigneur pour votre dévouement. Et je vous invite vraiment à ne pas rater ce moment de prière. Nous prions et nous faisons certaines choses telles que Dieu nous dit. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Oh, merci, Jésus. Alléluia. Ta voix, bénis le Seigneur pendant quelques secondes. Bénis le Seigneur. Seigneur, merci toi qui nous as gardé pendant ce que tu nous as béni par ta parole. Nous nous recommandons entre tes mains et à ta grâce. Bénis ce moment. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Nous te sommes reconnaissants ce soir. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Père, merci. Nous recommandons le programme de la semaine mercredi, la veille de vendredi. Et tout le programme de la semaine qui commence. Nous bénissons les maisons de tes enfants. Que ta grâce les accompagne. Merci, toi qui guéris nos tribus. Tu guéris nos familles. Tu guéris nos maisons. Et tu nous délivres de nos mauvais rangs sociaux. Merci pour ta fidélité. Bénis ton peuple. Que ta grâce soit au milieu de nous. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Bon dimanche à chacun. Que Dieu vous bénisse. Et les mamans peuvent rester pour leur communication.